Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la traduction vocale du 15e cours de la série d'explication des sagesses d'Ibn Atta al-Ilahi al-Sakandari par Sheikh al-Buti rahimahullah. Dans ce cours, Sheikh al-Buti rahimahullah va donner des moyens de s'exposer au cadeau divin. Va expliquer comment l'homme peut s'exposer au cadeau divin. Cadeau divin dont on a parlé au cours précédent lorsqu'on a abordé la sagesse numéro 8 d'Ibn Atta al-Ilahi al-Sakandari. Donc en fait, on est en train de continuer l'explication de cette sagesse en expliquant comment s'exposer à de tels cadeaux, à de tels dons divins. Dans ce cours, la partie question-réponse va être assez longue. Voilà tout ce que je peux dire sur ce cours en introduction. Voilà, à partir de maintenant, c'est plus moi entre guillemets qui parle, c'est Cheikh Al-Bouti rahimahullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atammu taslimi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes, la meilleure prière et la meilleure bénédiction sur notre maître Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nuri al-fahm wa aftah alayna bi ma'rifati al-ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre-nous la guidée par la connaissance de la science. Adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est donc le 15e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Atta Illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde. Il y a des questions en rapport avec le cours précédent. L'un des questionneurs demande: qu'est-ce qu'Ibn Atta Illah a voulu dire par فَلَا تُبَالِ مَعَهَا أَنْ قَلَّ عَمَلُكَ. Ne te soucie alors pas, lorsqu'Allah t'ouvre une direction pour le connaître, que tes actions soient peu nombreuses. A-t-il voulu dire que l'homme à qui Allah a fait don de l'élection divine pouvait se permettre de devenir moins sérieux au niveau des actes d'adoration? Non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Accomplir ses obligations religieuses est nécessaire. Cela est une affaire globale qui concerne aussi bien ceux qu'Allah a élus et ceux qu'il n'a pas élus. Mais il y a des gens qui multiplient les actes d'adoration, qui prie la nuit, qui jeûne tout le temps, qui jeûne les lundis et les jeudis, et il y a des gens pour lesquels Allah le Tout-Puissant s'est manifesté, comme nous l'avons dit, et nous allons l'expliquer, par les cadeaux de ces manifestations. Leurs actes d'adoration sont moins nombreux que les premiers. Le peu d'adoration, en plus des obligations religieuses, le peu d'adoration en plus des obligations religieuses ne nuit pas à ceux qu'Allah a élus. Et le grand nombre d'actes d'adoration ne sert pas à celui qui s'est voilé d'Allah, c'est-à-dire qu'il y a un voile entre Allah et lui. Mais les obligations religieuses doivent être accomplies. Autre question. Quelle est la différence entre l'élection divine et la parole qui dit « Lillahi fi dahrikum nafahat fata'arradu laha » Allah vous présente des cadeaux pendant votre existence. Exposez-vous-y. Il n'y en a pas. L'homme à qui Allah a fait don d'un de ses cadeaux est l'homme qu'Allah le Tout-Puissant a choisi. Et un autre questionneur dit « Est-ce que l'une des conditions de l'ijtiba, de l'élection divine, est que l'homme soit désobéissant pour qu'ensuite il change brusquement ? Non, absolument pas. Un homme à la croyance saine, au comportement droit, mais loin des manifestations et des cadeaux divins, peut être l'objet d'une élection divine d'Allah le Tout-Puissant, de telle sorte qu'Allah lui fasse don de ce que décrit Ibn Atta Illah, comme nous allons l'expliquer, car nous n'avons pas fini l'explication. Le fait que l'humain soit désobéissant n'est pas une condition, mais il peut avoir été désobéissant. L'homme, objet d'une élection divine, n'a pas forcément été désobéissant. Et un autre frère dit, vous avez parlé dans le cours du jeudi d'avant de la tombée de la pluie et de documents disant que c'est le ministère de l'Agriculture qui a fait pleuvoir les nuages, de telle sorte qu'il a plu. Et après cela, une personne en qui j'ai confiance m'a dit que nous avions des avions qui jettent des bombes spéciales sur les nuages lorsque ces nuages sont prêts à pleuvoir. Mais on estime que les pluies qui tomberaient d'elles-mêmes seraient d'elles-mêmes, c'est-à-dire sans ces bombes, seraient légères. Et ces bombes font donc office de stimulants qui déclenchent une pluie plus importante. Je me suis donc dit, peut-être que ce que j'avais lu concernant le fait de faire pleuvoir les nuages se rapporte à ça. Oui, il s'agit bien de cela. Et c'est cela que nous dénonçons, que nous refusons. Et ce n'est pas un secret si je vous dis que la cause de l'arrêt des pluies après leur tombée importante, c'est cela. Cela. Et nous demandons à Allah le Tout-Puissant de ne pas nous prendre, de ne pas nous punir pour ce que nous commettons, pour les méfaits que nous commettons. S'il y a cette technique merveilleuse, alors nous n'aurions pas besoin de la générosité d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Mais les choses sont-elles ainsi? La réalité est-elle ainsi ? Hier et avant-hier, le ciel était entièrement nuageux, et tous ces nuages étaient des nuages pluvieux, et la condition scientifique pour que la pluie tombe était remplie. Les nuages étaient assez bas, comme il le faut, le taux d'humidité était bon, les nuages étaient des nuages pluvieux. Et toutes les conditions étaient remplies. Pourquoi n'a-t-on pas fait exploser les bombes pour faire tomber la pluie ? Les nuages étaient prêts. Et pendant 2 jours, hier et avant-hier, jour et nuit. Pourquoi ? Ça, c'est une rhétorique orgueilleuse vis-à-vis d'Allah. Et ce n'est pas du tout une rhétorique scientifique. Il semblerait que la technologie que nous possédons ne se retrouve pas chez les pays avancés. J'avais donné l'exemple de la Russie, que la sécheresse a détruit durant de longues années lorsqu'elle se trouvait à l'ombre de ce qu'on appelle l'URSS. Pourquoi la Russie ne jouissait-elle pas de la technologie que nous possédons nous ? Pourquoi ne s'était-elle pas débarrassée de la sécheresse de l'époque par le biais de ses bombes ? Le monde entier était au courant de cette sécheresse. Pendant de longues années, la Russie importait son blé des États-Unis, s'humiliant de la sorte. J'étais au Maroc. Le Maroc a souffert de la sécheresse. Bon, pourquoi n'a-t-il pas délaissé l'estesra, la demande de la pluie à Allah, au profit du fait de provoquer la pluie lui-même ? Pourquoi ? Les technologies que nous possédons, il les possède, et peut-être même en mieux. Peut-être même. Pourquoi ? Pourquoi alors ? Maintenant, cette situation que vous voyez, quelle est sa traduction ? Quelle est son expression ? Sa traduction est le fait que le Seigneur des mondes dise la chose suivante. Vous avez ouvertement exprimé que vous n'aviez plus besoin de l'estesra, de demander la pluie, parce que maintenant, vous utilisez cette technique de déclenchement de la pluie. Je vous abandonne donc à cette technologie. Cela n'est pas un secret. Cela est logique. Ce n'est pas un secret que je dévoile. Moi, je dis, si ce n'était cette explication, suite à des invocations qui sont montées au ciel, et suite à nos mères dans les maisons, à des milliers, voire des millions de gens, la réponse était venue d'Allah au début de ce mois béni. Autrement dit, la pluie est tombée au début du mois de Ramadan. Et elle était censée durer. Mais lorsque des gens sont venus nous expliquer cette réponse, non pas comme le résultat d'invocations qui se sont élevées, mais comme étant arrivées grâce à une technologie scientifique qui s'est réalisée, le Créateur Tout-Puissant a dit « Je vous laisse donc à votre technologie ». Ce genre de paroles de ces gens-là, est-ce que ce sont des paroles scientifiques ? Je vous mets au défi de me dire une telle chose. Les nuages sont là, et ils étaient là. Et je ne me souviens absolument pas, de toute ma vie, d'avoir vécu une ambiance comme celle que nous vivons aujourd'hui. Tu vois les nuages et c'est comme s'ils disaient « La pluie va tomber maintenant ». Voire même parfois, une pluie très fine se met à tomber, annonçant que les conditions scientifiques météorologiques de la tombée de la pluie sont prêtes. Mais il ne pleut pas vraiment. Et les nuages persistent, restent, à cette altitude basse nécessaire. Et le taux d'humidité est optimal, dans tous les sens du terme. Et cela dure des heures et des heures et des heures. Mais il ne pleut pas. Cette situation réveillerait même le mécréant. Cette situation devrait faire comprendre quelque chose à n'importe quel humain. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, nous croyons en son existence et nous croyons en le fait que le Coran est sa parole. Le Coran est sa parole. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez ? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ou en sommes-nous le descendeur ? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant ? قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dis, voyez-vous, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source ? Oui. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Et nous, ou bien nous croyons en Allah, ou bien nous ne croyons pas en Allah. Si nous croyons en Allah, alors cela est sa parole. La science sert les décisions d'Allah et son jugement. Et ce ne sont pas les décisions d'Allah et son jugement qui servent la science. Qu'est-ce que la science ? La science est un ensemble d'organisations que notre Seigneur a transmises et a établies dans cet univers. Nous y réfléchissons, nous en prenons connaissance et alors nous les apprenons. C'est cela la science. La science représente des fruits de l'organisation établie par le Seigneur des mondes. Dès lors, notre science s'inscrit dans le cadre de l'organisation d'Allah, et ce n'est pas l'organisation d'Allah qui s'inscrit dans le cadre de la science. Ça, c'est le béaba. C'est simple, c'est très clair, dans tous les sens du terme. Et cela ne présente aucun problème. Mais il y a des gens qui disent, et ce genre de propos se répète souvent sur les langues de ceux qui sont sujets au doute, qui se mettent dans le doute, il y a des gens qui disent « Regardez l'Europe ». Elle est encore plus éloignée que nous de la voie, de la foi et de l'islam. Et elle est encore plus plongée dans les péchés. Et malgré cela, Allah lui fait don des pluies et des neiges. Et des neiges y tombent sans discontinuer en hiver. Bon, quelle est la sagesse derrière cela? Peut-être ai-je déjà évoqué, les frères, dans un propos répété, que des millions ont entendu, le fait qu'Allah, le Tout-Puissant, peut faire don de sa miséricorde, de sa clémence à ses esclaves pour deux raisons. La première raison est la multiplication du refuge auprès d'Allah et la sincérité du fait de supplier à sa porte. Et cela ne peut être que par la demande de son pardon et le repentir de ses péchés. Et le repentir de nos péchés. Dès lors, le Créateur a promis de répondre favorablement à quiconque fait cela. Et je vous ai dit que c'est ce qui s'était passé au Maroc. Je suis un témoin oculaire de cela. Et les pluies sont tombées en quantité et sans discontinuer. Bon. La seconde raison, c'est la miséricorde. C'est la clémence réciproque. Lorsqu'Allah le Tout-Puissant voit parmi les sociétés une société dont les membres sont miséricordieux, cléments les uns envers les autres, il se montre clément avec cette société. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a assuré cela dans des hadiths authentiques qui ont atteint le degré de tawatur ma'nawi, transmission continue du sens. Parmi ces hadiths, il y a celui-ci que je vous avais déjà évoqué. Quiconque ne fait pas preuve de clémence ne sera pas l'objet d'une clémence. Man la yarham, la yurham. Autrement dit, quiconque fait preuve de clémence sera l'objet d'une clémence. Il y a aussi le hadith Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Le Rahman se montre miséricordieux envers ceux qui font preuve de miséricorde. Dans les sociétés européennes, il y a le phénomène suivant. La clémence réciproque qu'ils exercent entre eux. La solidarité sociale que tu vois s'exercer entre eux est une chose qui stupéfie les esprits. Entre eux, je dis. Et j'ai vu moi-même des aspects que j'aurais aimé voir chez nous. Des aspects qui sont des fruits de l'islam. Et l'islam est la source de la clémence réciproque. La source de cette clémence réciproque, l'origine de cette clémence réciproque. Tu ne peux pas voir un homme errer dans les rues sans que cette société-là ne soit responsable de lui. Son salaire, son domicile, sa situation, tout cela. Tout comme l'enfant qui vit sous la protection de ses parents, quel que soit cet homme. Au point que beaucoup de gens vont se fondre dans cette société parce qu'ils ne trouvaient pas de travail, pas de subsistance dans leur pays. Et que dans cette société-là, ils trouvent rapidement une ration et ils vivent alors tranquilles. Même si certains d'entre eux étaient entrés de manière illégale, clandestine dans cette société-là. Tu marches dans cette société-là et tu entends alors les sirènes des ambulances. Tu t'imagines que ce sont des ambulances qui se dépêchent, partent et reviennent pour secourir un malade. Non, elles ne sont pas cela. Elles sont carrément des hôpitaux ambulants. Ils toquent à la porte des malades qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Alors, toutes les machines vont aux malades et vivent chez eux. Tous les outils possibles, oui, dans leur maison. Cet aspect de clémence réciproque qu'on peut voir là-bas, moi, j'aurais aimé que ma langue ne prononce pas un tel éloge à ces gens-là. Mais je le dis pour la leçon, pour la morale. Compare cette clémence réciproque là-bas et la clémence réciproque chez nous. Combien de ces milliards qui ont été dépensés il y a environ 2 mois, des milliards, disent les agences d'information, combien de ces milliards ont été dépensés ce mois-ci pour les pauvres? Ces gens-là qui se sont montrés, qui se sont exaltés d'une générosité sans borne lorsqu'il s'agissait de leur intérêt personnel. Maintenant, au cours de ce mois-ci, quelle est la proportion des biens qu'ils ont dépensés et qui est partie dans la poche des pauvres? Combien? Vous connaissez tous la réponse. Vous connaissez tous la réponse. Il y a des gens qui essayent, en ce mois béni, de ramasser de l'argent pour les pauvres, et ils sont nombreux. Ces gens ont toqué à la porte de ceux qui étaient un modèle de générosité il y a 2 mois. Ils ont spécifiquement toqué aux portes de ceux-là, en leur demandant de l'argent de la zakat, ou une quelconque aumône pour les pauvres, ce mois-ci. La réponse a alors été l'excuse. La réponse a été le retour à cette comptine, à ce pipeau. Nous n'avons pas de liquide. Oui, je le redis encore, Allah se montre clément envers la communauté pour l'une des deux causes suivantes. La demande sincère de refuge auprès d'Allah avec le repentir. Et la seconde cause, c'est la clémence réciproque. Si l'une des deux causes est présente, le Créateur donne et se montre clément. Et s'il n'y a ni demande de refuge auprès d'Allah, ni clémence réciproque, alors nous devons nous attendre à la situation dans laquelle nous vivons. Nous devons nous attendre à la situation que vous voyez. N'étions-nous pas mieux prédisposés alors qu'Allah a fait don à cette contrée de pluie généreuse au début du mois de Ramadan et que nous sommes croyants et que nous sommes des esclaves d'Allah, n'étions-nous pas mieux prédisposés à ce que des expressions soient tracées, écrites en remerciement à Allah parce qu'il nous a fait don du bienfait du ciel et parce qu'il a redonné l'abondance à notre terre par ses pluies généreuses? À lui donc la louange et le remerciement. Cela n'était-il pas ce qui était attendu de nous? Scientifiquement parlant, religieusement parlant et logiquement parlant? Cela n'était-il pas ce qui était attendu de nous, au lieu que nous faisions semblant d'ignorer l'offre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et son don, et que nous lions cette affaire à la technologie du déclenchement de la pluie, qui n'a pas de rapport avec la miséricorde d'Allah ? N'est-ce pas ce qui était attendu de nous ? Cela n'est pas une mince affaire, les frères. Cela est une chose énorme et très grave. Et moi, j'attends qu'Allah inspire à ses frères de corriger leurs erreurs et qu'ils reviennent sur leurs propos en disant « Non, en fait, nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah. Nous avons reçu la pluie par la générosité d'Allah. » Oui. Qu'est-ce qui empêche cette communauté d'exprimer ouvertement son humilité, sa servitude vis-à-vis d'Allah et qu'elle demande alors la pluie comme l'a fait le messager d'Allah ? Qui, a priori, devait le plus faire preuve d'humilité ? Nous ou les amis du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ? Et moi, quand je dis « demande de la pluie, estesqa », je parle de l'estesqa que nous lisons dans les livres de jurisprudence, avec ses règles et ses conditions et tous ses préambules. Pas ce estesqa, cette demande de la pluie précoce, inventée, innovée, des groupes qui font ça et là la demande de la pluie, non. À la base, quels gens doivent être appelés à la prière de l'estesqa ? Ceux qui doivent se réconcilier avec Allah et qui doivent revenir à Allah et se repentir auprès de lui. Ceux-là doivent constituer la noirceur des foules dirigées vers cette adoration. Mais si les arrogants restent dans leur tour d'ivoire, en envoyant par exemple des gens religieux afin que ceux-ci demandent la pluie pour eux, l'affaire suscite alors la colère du Seigneur. Elle ne suscite pas la miséricorde d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Pourquoi ne descends-tu pas toi ? Pourquoi n'exprimes-tu pas ouvertement ton besoin d'Allah, pureté et toute puissance à lui ? Pourquoi ? Nous devons tous faire preuve d'humilité, d'auto-humiliation devant Allah, pureté et toute puissance à lui. J'ai dit qu'au Maroc, lorsqu'on a appelé à la prière de l'estesqa, de la demande de la pluie, dehors, dans un endroit du pays, sur un terrain très très très vaste, qui sont ceux qui sont sortis ? Toutes les classes de la société, tous les officiers, et dans des habits tout à fait normaux, et encore moins que ça. Les ministres, les responsables, les intellectuels, les professeurs d'université, tous sont sortis. Et parmi eux, il y en avait qui pleuraient. Et parmi eux, il y en avait qui suppliaient. Les enfants, les femmes. Bon, quel en a été le résultat ? La prière de l'estesqa a eu lieu le vendredi, et les pluies ont commencé à tomber abondamment le lundi. Le lundi. Des pluies généreuses, tout à fait étranges. Et sur toutes les langues, on entendait « Allahumma lakal hamdu ya Rabb. Oh Allah, louange à toi, ô Seigneur. Allahumma hadha fadluk, hadhihi ni'matuk. Oh Allah, ceci est ta grâce, ceci est ton bienfait. » Ils ont ainsi fait le lien entre le bienfait d'Allah et Allah, le bienfaiteur. Ils n'ont pas fait le lien entre le bienfait et la technique de déclenchement de la pluie. Et malgré cela, nous continuons de supplier Allah le Tout-Puissant pour qu'il lève de nous son courroux et sa colère. Pour qu'il lève de nous son courroux et sa colère, les frères. Il faut que nous sachions que la science est un servant de la décision d'Allah et que ce n'est pas la décision d'Allah qui est une servante de la science, de quelque manière que ce soit. Dites donc, hier, ces nuages remplissaient l'étendue de notre ciel et avant-hier, pareil. Où est donc le procédé de déclenchement de la pluie ? Pourquoi n'ont-ils pas déclenché la pluie ? Pourquoi ? Et depuis le début de l'hiver, il y a eu des nuées de nuages et encore de nuages. Pourquoi les déclencheurs de la pluie dormaient-ils ? Après que les pluies soient tombées, ils ont dit « Nous avons déclenché la pluie et elle est tombée ». Pourquoi ne disent-ils pas « Nous avons un projet, un programme dans une semaine et dans une semaine la pluie va tomber ». Je ne parle même pas d'islam là, je parle juste de logique. Depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, le ciel a été couvert de nuages la plupart du temps, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et pas un jour n'est passé sans que nous n'ayons dit « il va pleuvoir ». Où sont donc les moyens de déclenchement de la pluie ? Pourquoi n'ont-ils pas déclenché la pluie ? Et même, combien avons-nous entendu, combien avez-vous entendu à la météo ? Demain, une énorme occasion pour qu'il pleuve, des pluies généreuses vont tomber, elles vont tomber, elles vont tomber, elles vont tomber. Où sont donc ces pluies ? Cela, c'est la logique de l'arrogance. Nous sommes des esclaves d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Nous nous réfugions auprès d'Allah, et Allah, pureté et toute puissance à lui, nous donne. Oui. Et je lui demande, lui, le Tout-Puissant, de tous nous guider vers la rectitude de son droit chemin, de nous guider, de guider tous nos frères, et qu'il leur fasse prendre conscience de cette réalité que nous énonçons. L'un des frères dit, ou plutôt il semblerait qu'il m'ait entendu dire, alors que je disais l'invocation connue, « Allahumma hab talihana li salihina fa illam yakum fina salihun fa habna jami'an li sa'ati fadlika wa rahmatik. » Ô Allah, accorde ton don au mauvais parmi nous par le bienfaisant parmi nous. Et s'il n'y a pas de bienfaisant parmi nous, alors accorde-nous tous ton don par l'étendue de ta grâce et de ta miséricorde. On dirait qu'il a cru comprendre que j'ai dit « Hab salihana li talihina ». Accorde ton don au bienfaisant parmi nous par les mauvais parmi nous. Bien sûr, cela est une erreur. Si jamais je l'ai dit, c'est que ma langue a fourché. Quant à la bonne invocation, c'est celle-là. « Allahumma hab talihana li salihina fa illam yakum fina salihun fa habna jami'an li sa'ati fadlika wa rahmatik. » Ô Allah, accorde ton don au mauvais parmi nous par le bienfaisant parmi nous, et s'il n'y a pas de bienfaisant parmi nous, alors accorde-nous tous ton don par l'étendue de ta grâce et de ta miséricorde. Nous revenons à la sagesse d'Ibn Arata Illah, dont nous n'avons pas encore fini l'explication. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مريده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما تهديه إليه مما هو مريده عليك Lorsqu'il t'ouvre une direction pour le connaître, ne te soucie alors pas que tes actions soient peu nombreuses, puisqu'il ne t'a ouvert cette direction que pour que tu le connaisses. Ne sais-tu pas que le connaître est un don de sa part, alors que tes actions sont un don de la tienne ? Et comment comparer ce que tu lui donnes et ce qu'il te donne ? Je résume ce que j'ai dit et je le complète. L'homme, quel qu'il soit, arrive à Allah le Très-Haut, tout d'abord par la connaissance d'Allah le Tout-Puissant. Il le connaît, puis sa connaissance le pousse à l'adoration. Le pousse à s'éloigner des interdits. Dès lors, dans la mesure où la connaissance par le serviteur de son Seigneur est vaste et profonde, eh bien dans cette mesure-là, à cette mesure-là, l'homme est avec Allah. Et il s'élève au degré de l'ihsan, de la bienfaisance, c'est-à-dire qu'il adore Allah comme s'il voyait Allah. Quant à l'homme qui n'a pas connu Allah, ses actes d'adoration ont plus trait à des traditions, au mimétisme, au fait de recopier. Et partant de cela, les diables peuvent s'emparer de lui rapidement, de même que les passions. Bon, comment l'homme peut-il connaître son Seigneur ? La page de cet univers est le meilleur livre par lequel l'homme peut connaître son Seigneur. La page de cet univers. En effet, l'homme qui jouit de sa raison, qui jouit de la vue et de sens développés, et qui contemple les cieux, qui contemple la terre, qui contemple ce qu'il y a entre les cieux et la terre, qui voit l'organisation d'Allah, pureté et toute puissance à lui, qui voit les changements de saison, qui voit l'alternance des nuits et des jours, qui voit les mouvements sur les orbites et qui les contemple, trouve en cet univers le livre exprimant, prononçant la grandeur d'Allah. L'unicité d'Allah, l'emprise d'Allah, la miséricorde d'Allah, la sagesse d'Allah, tous les attributs d'Allah et ses meilleurs noms. Tout homme doué de la raison et de la vue et qui regarde, trouve en cet univers un livre qui lui fait connaître Allah le Tout-Puissant. Mais il y a des gens qui regardent à droite, à gauche, en haut, en bas, et qui reviennent tels qu'ils étaient, sans connaître Allah le Tout-Puissant. Quelle en est la cause ? La cause en est que ces gens-là, lorsqu'ils regardent les composantes de cet univers, les regardent à travers leurs envies, à travers leurs désirs, à travers ce qui les fait baver parmi les délices qu'ils voient. Il y a donc l'homme qui, lorsqu'il sort dans la rue, voit les mets, les nourritures délicieuses, voit les scènes qui déchaînent les désirs de l'âme, voit les femmes, voit ce qui incite aux désirs et aux passions. Ces choses-là qu'il voit devant lui l'empêchent de contempler ce qu'il y a derrière cela. Ces choses-là mettent un voile entre lui et la contemplation de ce qu'il y a derrière elle. Il s'arrête alors aux frontières des passions, des intérêts et des désirs qui le font baver. Dès lors, cet humain peut fixer, regarder les composantes de l'univers autant qu'il le veut. Même si en effet il voit en ses composantes un livre exprimant et prononçant la grandeur d'Allah et sa présence, il est pris par ses désirs et ses passions. Il peut fixer ce livre de l'univers autant qu'il le veut, ce livre ne lui fait pas connaître Allah. À qui peut-on comparer un tel homme ? À un homme qui a des penchants artistiques étonnants en ce qui concerne la calligraphie et l'écriture. Il tombe sur un livre de Coran et l'ouvre comme ça. Le Coran est écrit avec une écriture magnifique, et ce livre est orné d'une très belle décoration et de gravures artistiques magnifiques. C'est vrai qu'il a lu le livre d'Allah, et qu'il l'a vu et qu'il l'a lu, mais comme il est séduit par la calligraphie, et que son penchant, où qu'il se trouve, se porte vers l'écriture, la calligraphie, etc., et les types d'ornements et les arts plastiques, comme ils disent, et ainsi de suite, tu le trouves en train de lire et de tourner les pages, mais il y a un voile entre lui et les paroles d'Allah le Tout-Puissant. Et il s'arrête à ce par quoi il est séduit. Donc l'homme séparé d'Allah par un voile lorsqu'il regarde cet univers, à quel moment l'est-il ? À quel moment est-il séparé d'Allah ? Quand ses désirs, ses passions sont déchaînés et qu'il s'y abandonne, de telle sorte qu'il ne contemple cet univers que pour prélever des visions de l'univers, des scènes de l'univers, celles qui répondent, qui interagissent avec ses désirs, ses passions, ses délices, ses plaisirs, etc. Il ne va pas au-delà de ça. Cet homme-là, il se peut qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il lise le Coran, mais ses actions sont traditionnelles, elles ont trait à du recopiage. Ce que nous dit Ibn Ata'illah, « Iza fataha laka wijhatan min at-ta'aruf » lorsqu'il t'ouvre une direction pour le connaître, Cette ouverture, c'est que tu regardes le monde autour de toi et que tu passes à travers les pages des désirs et des passions auxquelles tu t'arrêtes. Tu les traverses pour ce qu'il y a derrière, au-delà d'elles. Tu regardes la fleur, tu regardes le fruit sur l'étalage, tu regardes les gens qui partent et qui reviennent, tu regardes cet air, ce climat, bizarre pour l'hiver, tu regardes les pluies qui tombent, tu regardes les plantes par lesquelles la face de la terre verdit. Tu regardes tout cela en ayant dépassé tes désirs, tes pulsions, tes passions, tes plaisirs, tes délices. Que trouves-tu dans cette situation ? C'est là qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, se manifeste à toi. C'est là que tu te trouves en face de feuillets qui expriment ouvertement la grandeur d'Allah, l'emprise d'Allah, le pouvoir d'Allah, la sagesse d'Allah, la miséricorde d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et dès lors, tu trouveras que les manifestations d'Allah, les dévoilements d'Allah, pureté et toute puissance à lui, auront dominé ton cœur. Et à partir de là, tu te trouveras dans une situation qui t'éloigne des univers et qui te met devant leur créateur, pureté et toute puissance à lui. C'est cela le sens de « Idha fataha laka wijhatan minat ta'aruf » lorsqu'il t'ouvre une direction pour le connaître. Cela se fait par le biais de la contemplation, un biais ouvert à tout le monde. Si alors l'humain jouit de cela, il dépasse, il traverse les aspects de l'univers, les aspects de ses éléments. L'exemple que j'ai évoqué, celui du livre du Coran, du calligraphe et de l'amateur d'art, est très clair en ce sens. Si tu traverses, si tu dépasses ces aspects, tu t'exposes alors à ce cadeau divin dont parle Ibn Ataillah. Bon, lorsque tu t'exposes à ce cadeau, Allah te choisit. Il se dévoile à toi d'un dévoilement qui te permet de le connaître. Bon, on peut à ce stade se poser la question suivante. Quel chemin emprunter pour parvenir à cela ? C'est-à-dire, moi je veux me débarrasser de mes passions, me débarrasser de mes désirs. Lorsque je marche dans la rue, je ne veux pas être captivé par la vue des belles maisons, alors que je rêve d'en construire une semblable. J'aimerais, lorsque je vois les plaisirs et les délices, ne pas m'arrêter à ces plaisirs, ne pas faire en sorte qu'ils chatouillent mes désirs et mes envies terrestres. Par quel moyen passer à travers ? Par quel moyen les dépasser pour lire à travers les lignes qui me permettront de connaître le Seigneur des mondes ? Les chemins vers cela, comme nous l'avons dit, il y en a deux. Ou bien l'auto-humiliation, l'auto-avilissement constant vis-à-vis d'Allah, ou bien qu'un ébranlement te vienne de la part d'Allah. Le premier chemin est l'auto-avilissement, l'auto-humiliation. Et nous l'avons dit, tous les chemins menant vers Allah sont pleins de monde, parce que chacun espère y trouver sa part. Quant à l'auto-humiliation vis-à-vis d'Allah, ce n'est pas le cas, car l'auto-humiliation est le contraire de ce que l'âme voudrait. Mais l'homme, même s'il est désobéissant, même s'il est corrupteur, mais en reconnaissant sa corruption, en reconnaissant sa désobéissance, cet homme-là, lorsqu'il regarde les gens, pense que tous les gens sont meilleurs que lui. Tous les gens qui vont et viennent sont meilleurs que lui, parce qu'il est désobéissant, qu'il a commis telle et telle chose, qu'il est déviant, corrupteur, etc. Tu trouves alors qu'au fond, il est constamment brisé. Il a les sentiments brisés, mais pas pour les gens, mais plutôt pour Allah, pureté et toute puissance à lui. Cet homme brisé, Allah l'attirera certainement vers lui un jour ou l'autre. Le mot attirer n'est pas dans le sens du mélange, dans le sens physique, ce n'est pas cela que nous voulons dire. L'attirera veut dire qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, le choisira, le rapprochera de lui. Donc, quiconque s'avilie, s'humilie vis-à-vis d'Allah, s'expose à ses cadeaux. C'est le contraire exact de l'orgueilleux. Celui qui s'enorgueillit, même par ses actes d'obéissance, et séparé d'Allah, pureté et toute puissance à lui, par un voile. Nombreux sont les gens qui se sont enorgueillis vis-à-vis d'Allah par leurs actes d'obéissance, de telle sorte qu'ils ont été chassés de la miséricorde d'Allah le Tout-Puissant. L'exemple de Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura faisait partie des plus grands adorateurs et des plus grands savants, mais il s'est enorgueilli par ses actes d'obéissance et d'adoration, et il a alors été chassé. Oui. Le Créateur pureté et toute puissance à lui nous a raconté son histoire en ces termes. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il fut ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ses enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques, et qui allaite aussi si tu le laisses. Et ça, c'est un homme qui s'est enflé d'orgueil devant Allah par ses actes d'obéissance et pas par ses péchés. Que dire alors de celui qui s'enorgueillit vis-à-vis d'Allah par ses passions, par ses péchés, par sa corruption, par sa déviance? Que dire de lui? Donc, l'auto-humiliation est la première porte par laquelle l'homme entre sur le terrain de la miséricorde divine, par laquelle il s'expose à ce cadeau divin. À l'homme qui se rabaisse devant Allah, vient une heure où il regarde les astres nocturnes, et voilà alors qu'il se met à voir, à travers ces astres, la grandeur d'Allah. Il implore alors le pardon d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et il lui parle, et ainsi de suite. Quelqu'un l'invite à faire avec lui le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Il y va comme tout le monde, mais à peine ses yeux se posent sur la Kaaba honorée d'Allah qu'il est intérieurement submergé. Et alors, un nouvel être jaillit et naît de lui. Et il se trouve alors devant des connaissances qu'il n'avait pas, devant des sciences qu'il ne connaissait pas. Allah a ouvert devant lui une direction pour le connaître. Mais cet homme ne peut obtenir cette part, cette chance, que s'il se rabaisse, que s'il s'humilie devant Allah. Déviant peut-être, corrupteur, mais il ne revient chez lui qu'en s'en voulant, qu'en se reprochant ce qu'il a fait, peut-être même en se frappant, en se disant « Jusqu'à quand vais-je rester dans cet état, ô Seigneur ?» Moi, je vous ai dit une fois, les frères, que j'avais un voisin qui est décédé. Il était outrancier envers lui-même, il buvait, il était déviant, et il ne se dirigeait jamais vers la Qibla. Il était comme ça. Un beau jour, alors que j'entrais à la mosquée pour la prière du Subh, la prière de l'aube, voilà donc qu'il était au premier rang. Je ne me rappelle pas d'une vision qui m'ait autant fait plaisir, qui m'ait autant vivifié que celle-là. Un homme qui change soudainement et qui fait un virage à 180 degrés, comme ils disent. Bien sûr, je me devais d'aller lui rendre visite et le féliciter après 2-3 jours. J'y suis allé et je l'ai félicité. Et il m'a dit, moi, avant de me repentir, j'étais tout le temps brisé, avili devant Allah. Je m'asseyais au balcon et je me servais à boire la nuit. Et lorsque j'entendais les voix des glorificateurs depuis les mosquées lointaines, je portais tous mes outils, mon alcool, à l'intérieur de la chambre. Je fermais la porte sur moi et je ressentais une grande honte vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et combien de fois ai-je parlé à Allah alors que j'étais dans l'ivresse, le divertissement, et ainsi de suite? Je lui disais, ô Seigneur, ce mur entre moi et toi, fais-le disparaître. Ô Seigneur, je suis faible. Je n'arrive pas à abattre ce mur qui me sépare de toi. Mais toi, tu le peux. Ô Seigneur, jusqu'à quand? Détruis ce mur qu'il y a entre moi et toi. Il m'a dit, et je me réfugiais toujours auprès d'Allah par cet avilissement, car je suis faible, jusqu'à ce qu'Allah s'est manifesté à moi, qu'il m'a fait détester la boisson et toutes les déviances, comme si j'étais créé à nouveau. Et les frères, je ne connais à cet homme aucune déviance après sa guidée, et je ne lui connais aucun égarement après son éveil, jusqu'à ce qu'Allah le Tout-Puissant l'a fait mourir. Mais si cet homme-là était du nombre des orgueilleux, si cet homme-là s'asseyait pour vous boire en se voyant comme un homme de science, comme un homme libre, tous ces gens-là qui prient, qui se penchent, ces vieux-là, sont des gens loin de la science, loin du progrès, etc. S'il pensait comme cela, alors wallahi, il aurait été voilé, séparé d'Allah, jusqu'à ce qu'il se trouve devant Allah. Et il ne serait devenu conscient que lorsque le regret lui aurait rongé le cœur. Donc ça, c'est la première cause. La seconde cause, sans servilité, sans auto-avilissement, c'est un ébranlement. Une épreuve qui vient, une maladie qui vient habiter son organisme, une situation qui lui fait perdre ses espoirs et ses ambitions, une sensation d'étroitesse qui le fait suffoquer, un ébranlement qui vient. Cet ébranlement est souvent la cause d'une meilleure connaissance d'Allah. Et ça, c'est une chose connue. Et moi, j'en connais plusieurs illustrations, les frères. Je connais un homme qui était sain de corps sans défaut physique. Les bienfaits dansaient autour de lui. C'était un homme éloigné de ce cadeau dont parle Ibn Ata'illah. Et il n'était pas ce genre d'homme qui se tient aux ordres d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et qui marche comme marchent les esclaves serviles d'Allah le Tout-Puissant. Une maladie l'a alors touché, et cette maladie a habité son corps. Cette maladie a été la cause de la manifestation d'Allah, du dévoilement d'Allah pour lui. Il s'est avili devant Allah. La maladie l'a conduit à l'avilissement, et l'avilissement l'a appelé à frapper à la porte d'Allah le Tout-Puissant. Allah le Tout-Puissant s'est alors manifesté à lui par une connaissance qu'il n'avait pas. Et je me souviens qu'un homme pieux lui a rendu visite alors qu'il était malade et a invoqué Allah pour qu'il le guérisse. Cet homme malade lui a alors dit « Ô maître, je prends Allah à témoin que si ma guérison veut dire la disparition de ce bienfait dont Allah m'a fait don, la disparition de mon lien avec Allah, la disparition de ce cadeau que je suis en train de vivre, alors je ne veux pas de guérison. Je préfère rester dans cet état si c'est pour que ce lien divin entre mon Seigneur et moi reste. » Si c'est pour que je jouisse des dévoilements, des manifestations d'Allah, pureté et toute puissance à lui, sur moi. Remarquez ce sens, les frères. La catastrophe l'épreuve conduise l'homme, l'humain, à Allah, pureté et toute puissance à lui. Directement. Un jour de fête religieuse, de Eid, alors que je rendais visite à un savant de Dieu parmi ceux qui sont partis, parmi ceux qui maintenant sont morts, il y avait du monde dans son assemblée. Et je remarquais un homme qui entrait, qu'on tenait par ses épaules car il ne pouvait pas marcher. Les gens le conduisaient carrément. Il entra dans cette assemblée et s'affala sur les genoux du cheikh pour l'embrasser. Je demandai à la personne à côté de moi, « Qui est-ce ?» La personne me répondit, « Cet homme fait partie des plus grands officiers de ce pays. Un beau jour, il attrapa cette maladie que tu vois. Cette maladie le retourna complètement et le transforma d'une chose en son contraire. Il est maintenant, comme tu le vois, parmi les meilleurs des pieux, parmi les meilleurs des adorateurs. Et regarde comment il se déplace entre les assemblées de savants et combien sa situation avec Allah, pureté et toute puissance à lui, a changé. Je me dis alors, dans mon fort intérieur, « Allahumma arifna ni'amaka bidawamiha, wa la tu'arifna iyaha bifaqdiha. » Oh Allah, fais-nous connaître tes bienfaits par leur continuation et ne nous les fais pas connaître par leur perte. Combien d'hommes, les frères, profitaient des bienfaits qui leur parvenaient jour et nuit, de la générosité d'Allah qui leur parvenait sans discontinuité. Et la langue de leur état leur disait « Ô toi, va vers Allah tant que ses bienfaits viennent vers toi, car cela est meilleur que d'aller vers Allah lorsque ses bienfaits ne te parviennent plus. » Petite note de traduction, la langue de leur état leur disait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si la situation dans laquelle elles pouvaient parler, si la situation dans laquelle ils étaient pouvaient parler, elle leur aurait dit ça en fait. La langue de leur état, c'est ça. Si leur état pouvait parler, il leur exprimait ça. Ô toi, va vers Allah tant que ses bienfaits viennent vers toi, car cela est meilleur que d'aller vers Allah lorsque ses bienfaits ne te parviennent plus. C'est comme cela que dit la langue de leur état. Bon, n'est-il pas plus raisonnable pour l'homme qu'il connaisse Allah par le biais de ses bienfaits, qui lui parviennent, n'est-ce pas mieux ? Pourquoi m'enivrerais-je des bienfaits d'Allah de telle sorte que cela m'empêcherait d'appliquer ses ordres ? Pourquoi m'enivrerais-je des bienfaits d'Allah le Tout-Puissant pour aller à l'encontre de ma servitude, de mon esclavage vis-à-vis de lui, de l'exécution de ses ordres, jusqu'à ce que les bienfaits disparaissent, jusqu'à ce que la catastrophe, l'épreuve vienne et qu'à ce moment-là seulement je frappe à la porte d'Allah ? Le Seigneur répond, lorsque les bienfaits te parviennent, ça c'est une occasion. Tu dis, ô Seigneur, tu es le gracieux bienfaiteur, tu dépasses le bienfait pour le bienfaiteur en faisant ça. Regarde alors comment Allah le Tout-Puissant se manifeste à toi. Bon, pourquoi ne cherches-tu pas à connaître Allah lorsque tu es dans l'aisance ? Pourquoi attends-tu d'être dans la difficulté pour chercher à le connaître ? Le prophète t'a donné un conseil, il t'a dit « Ta'arraf ilallahi fi raha ya'arifka fi shidda » Cherche à connaître Allah dans l'aisance et il te connaîtra dans la difficulté. Cherche à connaître Allah dans l'aisance et il te connaîtra dans la difficulté. Cela, c'est la clé de cet état. C'est la clé de l'état de connaissance d'Allah le Tout-Puissant. L'homme, tous les hommes doivent s'acquitter de leurs actes d'adoration vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. Mais il y a l'homme qui s'acquitte de son acte d'adoration avec délectation, en ressentant le délice. Et il y a l'homme qui s'acquitte de son acte d'adoration par mimétisme, mécaniquement. Et peut-être que lorsque ce dernier pratique son adoration, peut-être que ses sentiments sont tournés vers sa vie d'ici-bas, ses envies, sa maison, sa femme, etc. Bon, comment peux-tu pratiquer ton adoration avec délectation, lorsqu'Allah le Tout-Puissant se manifeste à toi par un de ses cadeaux. Il y a en fait une troisième cause par laquelle nous conclurons notre cours. C'est le fait de fréquenter les pieux, les hommes bienfaisants. Fréquenter les pieux, s'asseoir avec les pieux est une chose très très étrange. Mais à une seule condition, que tu t'assoies avec cet homme pieux sans t'enorgueillir vis-à-vis de lui. Et toi, tu t'exposes à des cadeaux divins dans l'assemblée de cet homme pieux. Ta façon de le voir reflète les manifestations d'Allah le Tout-Puissant sur ton cœur. Tu te retrouves dans un état que tu ne connais pas. On pourrait parler longuement de ce sujet, mais je termine le cours par une histoire. Peut-être avez-vous entendu parler d'un des plus grands cheikhs de Syrie. Un cheikh qui s'appelle Mohammed Al-Hamid. Il habitait à Hama. Cet homme-là avait, au cœur de sa vie, une doctrine déviante. Il avait une doctrine déviante. Un jour, alors qu'il marchait avec un ami le long d'une voie de chemin de fer de Hama, ils apprirent que le cheikh Abu Nasr Khalaf, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, était venu visiter Hama. Le cheikh Abu Nasr Khalaf faisait partie des plus grands pieux, des plus grands savants et des plus grands soufis parmi les soufis sincères dans leur soufisme. Tous deux, c'est-à-dire Mohammed Al-Hamid et son ami, se mirent à parler de cet homme. Son ami lui dit « Cheikh Hamid, pourquoi ne pas aller rendre visite à cet homme ? Allez voir !» Il lui répondit « Ça ne sert à rien. » C'est des gens à la aqida, à la doctrine, à la croyance déviante. Puis ils en parlèrent encore. On peut toujours aller voir, lui rendre visite, voir qui est ce Cheikh Abu Nasr, dont ils disent ceci et cela. Ils entrèrent tous deux dans la salle où se tenait son assise, et ils y prirent place. Ils s'assirent en face de lui. Après peu, et comme il y avait dans l'assise du Cheikh certains fredonneurs, des fredonneurs de chants religieux, le Cheikh Abu Nasr tourna son regard vers eux, leur demandant de lui faire entendre quelque chose. Allah inspira ces fredonneurs à dire les vers suivants, qui commencent ainsi. كان لي ظل رسوم فاستوت شمسي فزال عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيالا. En moi se dessinait une ombre. Mon soleil s'établit alors et l'ombre disparut. Je vécus véritablement avec l'aimé après avoir été fiction. Et ainsi de suite. Cheikh Mohammed al-Hamid fut alors comme foudroyé et poussa un cri qui effraya tous ceux qui étaient assis, et Cheikh Hamid tomba à terre. Puis il se réveilla et embrassa la main du Cheikh Abu Nasr Khalaf. Il s'assit à côté de lui, lui demanda pardon et lui demanda de lui donner quelques formules de zikr et d'invocations à réciter régulièrement, parmi les textes existants, les textes saints et authentiques. Et le Cheikh Mohammed en sortit avec une nouvelle personnalité, avec une nouvelle doctrine. Et Allah le Tout-Puissant s'est manifesté à lui par des dons qui ont persisté jusqu'à sa mort. Ça, c'est parce qu'il avait pris part à l'assise d'un homme pieux. Fréquenter les hommes pieux peut faire ce que l'antidote ne fait pas. Mais si un homme entrait dans l'assemblée d'un homme pieux pour se moquer de lui, avec une mauvaise intention, avec un mauvais dessein, non, celui-là s'éloignerait encore plus d'Allah, pureté et toute-puissance à lui. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, de faire en sorte que nous fassions partie des bien guidés, des choisis. Et nous lui demandons de nous faire marcher sur les deux chemins. Le chemin du jihad, c'est-à-dire de l'effort, de la multiplication de l'évocation d'Allah, et le chemin de l'exposition aux dons, aux cadeaux d'Allah, pureté et toute-puissance à lui. Et nous lui demandons de ne pas faire de nous des prisonniers de nos envies et de nos passions. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واهدنا جميعا يا رب العالمين إلى اتباع أوامرك والالتزام بهديك والسير على صراطك يا أكرم الأكرمين وأكرمنا بنعمة السماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسق عبادك يا أرحم الراحمين وأحي بهيمتك وانشر رحمتك. اللهم أنت غني عنا ونحن فقراء إلى رحمتك، كلنا فقراء إليك، الذين يطرقون بابك والذين يعرضون عن بابك كلهم فقراء إليك. فنسألك اللهم بافتقارنا جميعا إليك أن ترفع عنا مقتك وغضبك. اللهم إن قلوب عبادك بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، فوجه قلوب عبادك أولئك إلى السير على صراطك. طهرهم من الكبرياء، طهرها من الكبرياء، طهرها من العناد، وجهها الوجهة التي أمرت بها يا رب العالمين. اللهم تجل علينا وعليهم تجلي رحماتك يا أكرم الأكرمين. اهدهم يا ربنا واهدنا جميعا، اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم ولا تقطعنا رفدك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. Ô Allah, rassemble-nous sur toi et fais que nous nous quittions sur toi. Et fais que nos besoins ne soient que dirigés vers toi. Ô Allah, guide-nous parmi ceux que tu as guidés et accorde-nous la bonne santé parmi ceux à qui tu l'as accordé. Élève de nous, ô Allah, ton courroux et ta colère. Et ne t'en prends pas à nous pour ce qu'ont fait les impertinents d'entre nous. Et guide-nous tous, ô Seigneur des mondes, vers le fait de suivre tes ordres, de nous en tenir à ta guidance et de marcher sur ta voie. Ô Seigneur des mondes, et fais-nous don du bienfait du ciel, ô toi le majestueux, le généreux. Ô Allah, accorde la pluie à tes esclaves, ô toi le plus clément des cléments. Et fais vivre tes bestiaux et étends ta miséricorde. Ô Allah, tu n'as pas besoin de nous et nous avons besoin de ta miséricorde. Nous sommes tous pauvres vis-à-vis de toi. Nous avons tous besoin de toi, aussi bien ceux qui frappent à ta porte que ceux qui s'en détournent. Ils sont tous pauvres vis-à-vis de toi, ont tous besoin de toi. Nous te demandons donc, ô Allah, par la pauvreté de chacun d'entre nous vis-à-vis de toi, par notre besoin de toi, que tu lèves de nous ton courroux et ta colère. Ô Allah, les cœurs de tes esclaves sont assurément entre deux de tes doigts et tu les retournes comme tu le veux. Oriente donc les cœurs de ces esclaves qui sont tiens vers la marche sur ta voie. Purifie-les de l'orgueil. Purifie ces cœurs de l'orgueil. Purifie-les de l'entêtement. oriente-les vers la direction que tu as ordonnée, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, manifeste-toi à nous et à eux par les manifestations de tes miséricordes, de ta miséricorde. Ô toi, le plus généreux des généreux, guide-les, ô notre Seigneur, et guide-nous tous. Guide-nous tous vers la rectitude de ta voie droite et ne nous coupe pas de ta subsistance. Ô toi, le plus généreux des généreux. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.